Je me sens sale, j'ai pas fait l'eau d'eau. Le poids de mes péchés me fait mal au dos. Je suis au charbon, ça fait trop longtemps. Elle veut des gosses avant la ménopause. Tu veux m'avoir, petit chenapin? Tu pourras pas, je suis dans le boîte auto. T'aimes trop la rue, petit schmetta. Tu deviens pâle quand y'a la moto. Tu te rappelles sur le banc de l'école. Je repense à ça sur le banc des geôles. L'OPJ fait sa blague, ouais je souris jaune. J'en ai dans la cave, je suis pas un bourrico. Genre t'es dangereux, t'en as pas l'air. J'ai des connexions, Napoli, Palerme. T'es MC du rap game, sans galère. J'ai choqué dans Marseille, gros conteneur. H24 sur le terrain, ouais. A24 sur le pénis, ouais. J4 de brésilien, ouais. Ouais, c'est terrible, ouais. H24 sur le terrain, ouais. A24 sur le pénis, ouais. J4 de brésilien, ouais. Ouais, c'est terrible, ouais. Ils ont les thugs, ils font des poussées, c'est des poussies. Micro-test, toi je les baisse, pas de soucis. Qui veut test que je le finisse dans la cuisine? La mise écarte les cuisses, ah, j'ai du succès. Cette mesure, c'est pour la sauce, ouais. La vie est dure, mais t'inquiète, on s'accroche, ouais. Ils ont le buzz, ils ont les meufs, ils ont des rouleaux. Mais pour ces paires d'équipes de beats, ils ont déroulé. S'il le faut pour toi, frère, je ferai des tonneaux. Le vrai amour ne casse pas, même si c'est rouillé. J'suis dans le BM câble et je vais les enfoncer. Ce que je veux, c'est brasser des palettes et sans forcer. Et là, tu pètes un câble, tu te sens offensé. Tu sais que je vais l'enculer, le rap français. Yule, comme d'hab. H24 sur le terrain, ouais. A24 sur le pénis, ouais. Aujourd'hui elle fait la hlèle, Miskina, demain elle fait la nalle. Hein, il faut que je me taille, taille, il faut que je maille. Il faut que je fly, fly, dans le monde des bails. Hein, il faut que je me taille, taille, il faut que je maille.